Le prophète Zacharie. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, après les 70 années de captivité à Babylone. Environ 50 000 Israélites reviennent à Jérusalem pour reconstruire le temple. Ce retour s'effectue en plusieurs vagues successives. La première en l'an 538, après l'édit de l'empereur Cyrus, Esdras 1, 1 à 11. Le gouverneur Zorobabel et le sacrificateur Josué en sont les promoteurs. La deuxième, en 455, sous le règne d'Artaxerxès, le sacrificateur Esdras en est l'animateur et il sera rejoint par le gouverneur Néhémie. Les prophètes Agé et Zacharie sont contemporains de Zorobabel et de Josué. Ils encouragent les fils de la captivité à reconstruire le temple dans la période s'étendant entre 520 et 485 avant Jésus-Christ. Au contraire d'Agé, qui reste toujours essentiellement pratique, Zacharie est un visionnaire, préoccupé du sort futur de son peuple. Deux sections à sa prophétie. La première, à caractère symbolique, des visions très énigmatiques, semble-t-il, chapitres 1 à 6. La deuxième, à caractère didactique, chapitres 7 à 14. Arrêtons-nous tout d'abord sur les visions du prophète au nombre de 10. Pour les interpréter, il nous faudra l'aide d'autres passages de l'Écriture. Au chapitre 1er, Zacharie voit des chevaux qui parcourent toute la terre. Les jugements de Dieu, symbolisés par ses chevaux et leurs cavaliers, seront universels. Puis il aperçoit quatre forgerons chargés d'abattre les quatre cornes, c'est-à-dire quatre des nations qui ont dispersé Israël. Les chefs des peuples ennemis d'Israël seront donc punis. Au chapitre 2, un homme est chargé de mesurer Jérusalem avec un cordeau. Les événements s'enchaînent. Après les guerres et les destructions, Jérusalem sera reconstruite selon des plans inspirés par Dieu. Au chapitre 3, Josué, le souverain sacrificateur, est accusé par Satan. Mais l'Éternel défend son serviteur. Comme à la fin des temps, il défendra les siens en réprimant Satan, l'accusateur. Puis Zacharie remarque une grande pierre. Sept yeux sont dirigés sur elle. Or, le prophète Daniel a fait allusion à cette même pierre au chapitre 2 de son livre. Elle préfigure le royaume universel de Jésus-Christ, sur lequel des yeux, c'est-à-dire les sept esprits de Dieu, sont fixés. Autrement dit, les sept esprits de Dieu qui jugeront la civilisation de l'Antéchrist entreprendront une action dont l'objectif suprême sera l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Zacharie est perplexe. Un tel royaume ne paraît-il pas utopique? Mais rien n'est impossible à Dieu, qui sera lui-même le réalisateur de ce royaume. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Puis le prophète voit un chandelier à sept branches et à côté deux oliviers, d'où partent deux conduits d'or pour l'alimentation d'huile du chandelier. Cette vision nous transporte au jour du règne de l'Antéchrist sur la terre. Un chandelier, des oliviers et surtout, invisible, de l'huile. Dans l'Écriture, l'huile symbolise toujours le Saint-Esprit. Apocalypse 11 nous présente deux témoins qui correspondent aux deux oliviers de Zacharie 4, deux hommes courageux qui témoigneront alors pour Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Ils mourront martyrs, car le monde impie refusera leur message. Les deux visions du chapitre 5 s'inscrivent dans ce même contexte de la civilisation impie du temps de l'Antéchrist. D'abord, Zacharie voit un rouleau du manuscrit qui vole dans les airs. Ce rouleau symbolise la malédiction décrétée du ciel sur la terre. Puis il mentionne une femme qui incarne l'iniquité. Il est évident que l'iniquité aura dépassé la mesure et devra être contenue de force. C'est ce que montre l'acte d'autorité qui enferme cette femme sous une masse de plomb dans un récipient qui sert d'unité de mesure, pour ensuite la refouler à Shinéar. Or, Shinéar, c'est le pays de Babylone d'où tout le mal est sorti. Dans l'Apocalypse, Babylone est décrite comme « Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Apocalypse 17, 5. Au chapitre 6, la vision du prophète rappelle celle du chapitre 1er. Quatre chars sont tirés par des chevaux, c'est à nouveau le symbole des jugements de Dieu. Il faut que la justice divine s'exerce sur le monde avant que Christ n'instaure son royaume de paix. Et c'est ce royaume de paix qu'évoque la fin du chapitre 6. Zacharie voit des couronnes et des insignes royaux destinés à Josué, le souverain sacrificateur. Interprétation : la couronne du roi des rois sera demain remise à Jésus-Christ, qui est aujourd'hui notre souverain sacrificateur dans le ciel. Il faut le reconnaître, ces pages sacrées sont difficiles à comprendre, mais elles apportent à Israël des certitudes pour son avenir. Quant au chapitre suivant, ils fournissent des explications complémentaires qui ne peuvent être que les bienvenues. D'abord, chapitre 7, Zacharie répond à une question posée par une délégation de Juifs encore captifs en Babylonie. « Nombreux sont ceux qui sont encore en exil ou qui seront déportés par la suite. Mais la roue tourne. Après 20 siècles de dispersion, il y aura un mouvement de retour vers la terre des ancêtres. « Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec vérité et avec droiture. » Zacharie 8, 8. Ce verset ne s'est que partiellement réalisé. Si aujourd'hui Israël commence à retrouver sa patrie, il est encore dans la disgrâce, le rejet, voir Romains chapitre 11. Il est encore sous la malédiction. Mais cela changera. Lisons Zacharie 8, 13. « De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. » Quand les yeux du peuple juif s'ouvriront et qu'il découvrira en Jésus-Christ son Messie et son Sauveur, il sera transformé. Il ne sera plus un fardeau pour les autres, ni une malédiction, car tous les peuples seront bénis par son rétablissement. Cependant, pour qu'Israël soit rétabli, il faut qu'il en paye le prix. Il faut qu'il se repente. Là est le pivot sur lequel repose toute la prophétie de Zacharie. Lorsqu'il traite de la destruction des villes voisines de la Palestine, chapitre 9 à 10, des aspects particuliers de la première venue du Messie, comme son entrée à Jérusalem, chapitre 9, verset 9, et sa trahison pour 30 pièces d'argent, chapitre 11, verset 13. Ou encore, lorsqu'il parle du pouvoir usurpateur de l'Antéchrist, chapitre 11, verset 15 à 17, tous ces divers éléments ne constituent que la toile de fond sur laquelle se détache avec éclat la prophétie du chapitre 12 relative à la repentance nationale d'Israël. Ce chapitre s'ouvre tout d'abord sur une note très actuelle, versets 2 et 3. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. » Jérusalem est aujourd'hui une coupe qui étourdit les peuples du Proche-Orient. Elle s'est aussi prouvée une pierre bien pesante pour toutes les nations de la terre. En effet, les peuples ne peuvent rester indifférents à son égard. Et quand ils essayent de résoudre ces problèmes, ils découvrent que leur poids et leur complexité les dépassent. Et ces problèmes dépasseront toujours les compétences des gouvernements humains. Aussi, une haine collective s'élèvera-t-elle contre Jérusalem et finalement... Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12, 3. Mais Dieu a une solution pour Jérusalem. Et cette solution éclatera aux yeux des nations quand la maison de David et les habitants de Jérusalem découvriront leur Messie. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 12, 9 à 10. Essayons un instant de nous représenter cette scène. La maison de David, c'est-à-dire les Juifs de la dispersion, se joignant aux habitants de Jérusalem et aux Israéliens, tous se tournant dans un élan collectif vers le crucifié de Golgotha, le Seigneur Jésus, que leurs ancêtres ont odieusement percé aux mains et aux pieds. Des millions d'Israélites dans les larmes et les supplications, pleurant à cause de Christ, le Fils unique de Dieu, le premier-né de toute la création, qui deviendra alors le premier dans leur vie. Cette humiliation d'Israël coïncidera avec le jugement des nations, Zacharie 12, 9, et la bataille d'Armageddon, Zacharie 12, 11 et Apocalypse 16, 16. D'autres événements en seront la conséquence. La délivrance définitive d'Israël, Zacharie 13, 7 à 9, précédée, elle, d'un séisme qui secouera la Palestine lors du retour du Messie, Zacharie 14, 1 à 7. Et le livre de Zacharie s'achève sur la description de Jérusalem, devenue le foyer de rayonnement de la bénédiction du Dieu Saint sur les nations, Zacharie 14, 8 à 21. Mais revenons au point central du récit, qui est incontestablement cette effusion du Saint-Esprit sur Israël dont parle Zacharie 12, 10. L'Esprit de Dieu s'est déjà répandu une première fois au jour historique de la Pentecôte, lorsque les apôtres ont été saisis par cet esprit pour proclamer l'Évangile. Depuis lors, l'Église de Jésus-Christ est habitée par l'Esprit Saint, puisque tout croyant qui accepte Christ comme son Sauveur reçoit l'Esprit de Dieu le jour de sa conversion. Cependant, le monde connaîtra un autre jour historique, celui où l'Esprit de Dieu se répandra sur Israël. D'autres prophètes en ont aussi parlé. Ésaïe chapitre 35, Joël chapitre 2, Ézéchiel chapitre 35 et 37. Selon Zacharie, ce sera un esprit de grâce et de supplication. Or, ne faut-il pas un vrai miracle pour qu'un Israélite supplie et crie grâce? Eh bien, ce miracle se réalisera à l'échelle nationale quand tous les Israélites crieront grâce, reconnaîtront en Christ celui qu'ils ont percé et réclameront son pardon. Et alors, Dieu bénira le monde entier par l'esprit de grâce répandu sur la nation d'Israël. Cependant, ce qui concernera Israël demain peut vous concerner aujourd'hui. Reconnaissez maintenant en Christ celui qui a été percé pour votre péché à la croix du calvaire, et que l'esprit de supplication fasse de vous un pécheur repentant qui s'écrie « Grâce » et qui découvre la grâce infinie en Jésus-Christ.